Et de moi regarde l'immense souffrance que les humains ont endurée pour arriver ici, et il trouve que la créature, en guillemets, ressemble à de la merde. Ça n'a pas été planifié, c'est certain. Une fois que l'on aurait réparé les dégâts, est-ce que l'on peut laisser une note en arrière pour que la même chose ne se répète pas? Sinon, ceci est absurdité totale. Bon, la merde, ça ne souffre pas. Et ce qui est à constater, c'est que si la personne, bon, fait parallèle, ben effectivement, l'humain aussi ne souffre pas. Quand on regarde l'immense souffrance que les humains ont endurée pour arriver ici, cette souffrance-là, elle existe uniquement à partir de notre vision à nous. Mais elle n'existe pas dans la conscience de ces personnes-là. Et ça, quand j'explique ça de temps en temps en conférence, il y a plusieurs personnes qui sont émotivement trop attachées, on peut même dire spirituellement, parce que la spiritualité est une forme d'émotion, trop attachées à ce qui aurait dû être, et on a la difficulté à comprendre l'idée. Une personne qui se drogue en vous voyant faire, ceux qui ne se droguent pas, elle sait l'immense souffrance que vous avez de ne pas connaître la drogue. Sauf qu'elle, quand elle n'a pas de drogue, elle souffre. Alors, elle s'imagine que nécessairement, c'est comme ça pour tout le monde. Quand quelqu'un dit, ouais, vous ne savez pas ce que vous manquez, ben justement, tant qu'on ne le sait pas, on ne souffre pas d'en manquer. Pour plusieurs personnes, l'alcool, c'est une grande raison de vivre. C'est l'une des dernières bonnes choses de la vie. Bon, plusieurs alcooliques qui disent ça. Quand on va dans des pays sous-développés où j'ai été, puis qu'on va dans certaines jungles, qu'on rencontre des peuplades totalement autochtones, ils n'ont pas d'alcool. Ils n'ont pas de lave-vaisselle, ils n'ont pas d'eau chaude. Ils ont des piranhas quand ils se baignent. Ils en mangent, mais des fois, ils peuvent se faire manger aussi par eux autres. Fait que, tu sais, quand tu manges un piranha, tu sais pas si tu manges pas le grand-père qui fait bouffer le bain. La réincarnation animale. Oui. Tout ce que nous avons pour notre bonheur, qui est maintenant même plus du luxe, qui devient une nécessité, ils ne l'ont pas. Ils marchent nu-pieds, ils ont des vers dans les pieds, ils ont des grosses bédaines, surtout les enfants, parce qu'ils ont des vers intestinaux. Leur alimentation, si vous n'aimez pas le singe puis le poisson, ben vous allez mourir vite. Et c'est continuellement comme ça. En plus de tous les dangers inhérents à la jungle, l'humidité, les chaleurs, la saison des pluies, quand il pleut, c'est une vraie... c'est comique quand tu as une chaloupe, mais c'est bien plate quand tu n'en as pas. Et ces personnes-là ne sont pas plus malheureuses que nous. Puis il y a des personnes qui disent, ah oui, même que ces peuples-là, nature, devraient être plus heureux que nous. Ils ne sont pas plus heureux que nous. C'est des projections. Alors, j'ai rencontré des peuplades dans différentes forêts vierges, ben, elles ne sont pas vierges, puis ils ont été violées par le blanc, mais dans différentes forêts, des jungles, que ce soit en Amazonie, que ce soit au Guatemala, dans le Pétain, dans certaines régions comme ça, sont pas plus malheureux, sont pas plus heureux. J'ai travaillé avec un médecin de l'Organisation mondiale de la santé, à un moment donné, sur le côté ouest du Guatemala. Il y a des combats avec les guerrieros, et régulièrement, il y avait des personnes qui se faisaient tuer. Soit dans les populades, dans les populations civiles, c'était femmes, hommes, enfants, ça n'a aucune importance. C'est des représailles. Il y a des représailles d'un bord, des représailles de l'autre, puis ça, là, je sais pas, comme ça tous les jours. J'étais avec un curé qui était là, un missionnaire. Et puis, les enterrements, tous les jours, il fallait en faire un dans un camp comme dans l'autre. Tout le monde est religieux là-bas, ce qui fait que le padre, il peut venir chez les guerriers roses. Après ça, il va dans la caserne militaire. Après ça, il retourne chez les guerriers roses. Après ça, il va dans le peuple. Mais c'est tout le monde entre-dessus pour faire venir le même padre, il n'y en a qu'un. Bon, pour envoyer l'âme à Dieu. Et on ne se bat pas en haut parce que Dieu va avoir des enterrements à faire. Et lui, il appelle ça des réincarnations. Mais là... Quand on voit ça, on se dit, oui, mais la souffrance, c'est atroce. Mais oui, mais je n'ai pas vu plus là non plus. Ils sont habitués. Ce qui fait que quand on regarde toute la souffrance que l'humanité a vécue, etc., etc., ça, c'est si nous, on serait obligés de revivre ça, bien, maintenant, où on en est, ça ne compte pas là-dessus. Mais justement, ça ne nous arrivera pas non plus. C'est pour ça qu'il faut faire attention là-dedans. Alors, quand on dit, bon, que la créature ressemble à de la merde, ce que vous devez comprendre, c'est que la créature, c'est le corps physique. Il y a de l'ego dedans, c'est-à-dire qu'il y a une âme qui ramasse de la mémoire, qui ramasse de l'expérience et qui, lui, n'a comme fonction que de répéter les mêmes événements. Donc, c'est pourquoi qu'apparemment, on s'en sort pas, mais l'âme, ça n'évolue pas. Ça accumule de la mémoire, ça fait rien d'autre que ça. Et ce qui arrive, c'est qu'après... Après ce genre de phénomène événementiel-là, après ce genre de vie-là, il y a une structuration du corps physique, on a parlé un peu au niveau du système endocrinien. L'humain vit des bas uniquement pour souffrir, c'est-à-dire uniquement pour vivre de l'émotion. L'émotion, c'est transmissible dans le corps physique par les voies endocriniennes. Les voies endocriniennes agressent le corps, le vieillissent, le rendent malade et le détruisent. Mais par cellularisation, par codifiage génétique de l'évolution, c'est transmissible chez les enfants. Parce qu'on a des enfants trop jeunes, ça paraît pas trop, ça prend du temps avant que les sociétés évoluent. À travers cela, il y a une solidification du corps physique. Il y a une construction d'un corps de plus en plus résistant. Et lorsque le corps est rendu à une résistance très particulière, comme celle qu'on a plusieurs dans le contexte non-planétaire, bien, le corps est rendu à un point tel qu'il est capable de supporter de la réalité, donc il est capable de supporter au-delà de l'émotion de la spiritualité, il vient à un moment donné où il est capable de supporter au-delà de l'émotion spirituelle de la réalité réelle, donc de l'intelligence, de l'évidence. Et là, ça détruit continuellement les mémoires astrales, donc ça détruit la psychologie, ça détruit l'ego, ce qui crée la négoïsation, et c'est ce qui va engendrer la création d'un double éthérique qui permet à l'humain dans sa conscience de devenir immortel du point de vue de la conscience, donc de ne pas gagner le monde de la mort à chaque finalité corporelle. Maintenant, ce qui arrive, c'est que l'humain ne comprend pas le principe. L'humain se dit, souvent, émotivement, si nous, on aurait à faire une création, bien, on ne la ferait pas aussi merdique. C'est sûr. La preuve, c'est que nous, on ne peut pas faire de création. Alors, quand on fait une création, on fait un moteur d'automobile, par exemple. Rien de plus génial. Savez-vous quelle friction endurent les pistons, les segments de pistons, les bielles, le vilebrequin, le bloc? C'est extraordinaire. Mais de notre point de vue, il n'y a pas de souffrance. Alors, pourquoi on met de l'huile, mais c'est pas qu'on s'ajuste trop vite, mais c'est en fonction de ce que nous vivons, pas en fonction de ce que vit le moteur. On ne veut pas changer le moteur toutes les semaines, donc on met de l'huile. Puis on met des viscosités particulières, puis on chauffe le moteur, puis il y en a qui mettent des additifs, puis il y en a, bon, etc., puis il y en a qui ne vérifient pas l'huile. Il y en a qui mettent le moteur. Ben oui, si on aurait à créer, on le ferait bien mieux. C'est vrai. Sauf, ça dépend des lois qui régissent la matière qu'on prend pour créer. Alors, nous avons créé des corps physiques, à même la matière. Progressivement, l'intelligence de l'homme, de la femme, descend à travers le corps physique. Il y a une mémoire, un phénomène animique, l'âme, qui va s'occuper du corps physique pendant un laps de temps. Ce qui va créer tous les phénomènes qu'on a là. Ça, c'est pourquoi l'humain a vécu des conneries aussi merdiques? Uniquement parce que c'est de la mémoire d'intelligence qui dirigeait. Et la mémoire d'intelligence, ça souffre uniquement quand ça ne peut pas répéter. Alors, allez voir les Romains qui se gavent à boire du vin dans des vases de plomb, en même temps ils s'intoxiquent, font des orgies régulières, ils ne souffrent pas. Ôtez-leur leurs orgies. Tu fumes, toi? Tu te détruis. Souffres-tu? Ah oui! Ôte ta cigarette, là tu vas souffrir. Alors, l'humain ne souffre pas tant que ça. Par contre, plus l'humain se purifie, plus l'humain devient évolué, plus l'humain accepte une vision d'intelligence qui le rend nécessairement écologiste. Et quand un être humain est écologiste, bien là, évidemment, quand tu regardes ailleurs, c'est plus, sauf que la majorité des corps physiques sur la planète Terre sont des animaux humains. Ce sont des corps physiques, l'intelligence dirige certaines choses, l'intelligence n'est pas chez eux. Bon, puis pour comprendre, quand je parle d'animaux humains, tu l'as compris quand tu es allé visiter un pays assez animal. Mais sans ça, voyons là, animal humain, oui, c'est insulte l'humanité. J'ai vu, moi, des animaux humains, j'en ai vu souvent. Il y en a même, ils ont réussi, ils n'ont eu aucun problème, là. Mais j'en ai vu des plus vrais que vrais. Bon, ils sont au niveau du rat d'égout. dans leur vie, dans leur habillement, ou dans leur déshabillement, dans leur propreté, dans leur alimentation. Ils mangent les poubelles, les mouches, les vers, ce qui reste là-dedans. Les cheveux, c'est sec, c'est dur, dur, dur. Quand ils se font attaquer, ils se défendent avec ça, tu sais, ils font sur le monde. Bon. Il n'y a pas de problème. Quand on parle, sinon, c'est une absurdité totale. Par exemple, si on évolue, est-ce qu'on peut laisser au moins un mode d'emploi en arrière? Sinon, c'est de l'absurdité totale. On ne peut pas instruire un corps physique à devenir intelligent. On ne peut pas instruire un être humain à devenir intelligent. On peut l'obliger à être intellectuel. On peut l'obliger à faire des choses par la loi. Mais ça ne développe pas d'intelligence. Alors, on va dire, par exemple, à un moment donné, parce que l'être humain est tellement sale, puis la propreté, il ne peut pas la comprendre, puis en plus, ça fait fuir les insectes, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de savon, ils n'ont pas le temps, ils sont crottés. Ça crée un problème, ça crée chez les enfants de la phimosis, ce qui fait qu'à un moment donné, ça les rend stériles. Alors, il y aura quelqu'un qui va comprendre le principe, puis qui, à un moment donné, va émotivement et spirituellement appliquer de l'intelligence, et là, il va dire, Dieu dit qu'on doit circoncire les jeunes mâles. En circoncisant les jeunes mâles, bien, même s'ils sont tout crottés, il n'y aura plus de problème de phimosis. Bon, qu'il peut plus qu'il reste collé, à un moment donné. Il n'y a plus. C'est réglé. Quand tu arrives dans une société où, à un moment donné, il n'y a plus la raison de, c'est comme vous ne mangerez pas de cochon, de porc. Pourquoi? Parce que le porc, il faut le faire cuire énormément. Ben, à l'époque, on le mange plus ou moins cru, la viande. Alors, nécessairement, je veux dire à l'humain, tu dois manger, faire plus cuire parce qu'il y a des microbes dedans. Oui, un microbe, il a fallu Louis Pasteur, puis énormément de microbes pour qu'on finisse par découvrir. Alors, l'humain, laissez le mode d'emploi, il n'y a rien à faire. Alors, le mode d'emploi est donc spirituel. Dieu t'ordonne de. Mais quand l'humain devient intelligent un petit peu plus, la loi de Dieu doit maintenant être ingérée, digérée par l'humain. C'est plus à cause de la loi, c'est parce que c'est intelligent de. C'est parce que c'est écologique de. Mais ça, c'est uniquement à travers l'évolution des corps physiques. Quand l'humanité va s'en sortir, il n'y aura pas de mode d'emploi pour les autres, parce que finalement, il n'y en aura pas d'autres à un moment donné. L'humanité va finir par s'en sortir suffisamment bien. Par les processus de réincarnation, il y a un paquet d'êtres humains qui sont dans des corps physiques inappropriés, qui vont renaître dans des corps physiques plus appropriés. Descendants génétiques de ceux qui sont déjà un peu en avance. Tout le monde s'en sort. Mais il n'y aura pas, donc on n'aura pas besoin de dire, on laisse un mode d'emploi, il n'y a rien à faire. Dites à l'humain, faites pas la guerre, il a fait pareil, il a besoin. Alors le mode d'emploi ne servira à rien. C'est de l'intelligence, et ça c'est l'expérience qui finit par faire en sorte, à travers les frustrations d'ego, illusions, désillusions, souffrances, plaisir, par solidifier le corps physique, par amener un corps à être capable d'avoir de l'intelligence. Mais le corps, les souffrances que l'on vit, c'est uniquement en fonction de nos facteurs d'évolution. Plus on est translucide, plus on est évolué, plus on est écologique, donc intelligent. Je ne parle pas plus on est mental ou plus on est intellectuel. Plus on est intelligent, écologique. Mais plus, c'est pas correct les mécaniques. Puis quand on dit, bon, mais il n'y a pas de justice. Mais non, il n'y a pas de justice. Oh, mais Dieu est injuste. Non, Dieu n'est pas injuste. Dieu n'a pas le contrôle de la mécanique. C'est à cause de l'homme. Non, c'est pas à cause de l'homme. Nous, on prend le contrôle. C'est à cause de l'homme que ça va fonctionner. Mais le reste, une planète Terre avec des molécules, puis des acides aminés, puis finalement des cellules, des corps pluricellulaires, des corps capables de vivre de l'émotion, puis finalement de l'être humain avec un peu d'intelligence là-dedans. Puis de ce point de vue-là, c'est pas si pire que ça. Mais plus on évolue, plus ça devient absolument absurde et aberrant la façon dont les choses sont gérées. En tant qu'écologiste, moi, j'interdirais même qu'un lion tue une gazelle ou qu'un aigle tue un écureuil. Ça devient con! Puis après ça, les oiseaux ou les petits écureuils qui viennent de naître, là, ben, ils n'ont plus de mère, ils meurent, là. Et pourquoi ils sont nouveaux, d'abord? Ben, pour qu'un rat les mange, ben, peut-être, mais à un moment donné, c'est plus ça! C'est un monde de prédateurs. Mais tant que l'humain n'a pas suffisamment de capacité créatrice au niveau énergétique, le monde doit être un monde de prédateurs. Le mâle doit courir la femelle pour avoir des enfants, parce que le mâle puis la femelle, ne comprenant pas l'intelligence, il n'y aura pas de reproduction. Quand on devient écologique et intelligent, là, on est tanné de se courir après par les mâles. Puis il y a des mâles, ils sont tannés de devoir courir après les femelles. Là, si on devrait passer à un autre niveau. Mais un niveau d'homme, d'être, d'homme, de femme, d'enfant, d'être réel, d'être humain, pas d'animal humain. Ça, on le comprend. Mais de là à l'appliquer, le corps physique domine encore à cause de l'ego, à cause du système endocrinien, à cause de certaines choses. Mais c'est évident qu'on va vers une libération. Il faut que dans notre tête, on sépare premièrement, je ne suis pas l'animal. Oui, mais tu fais encore, ça n'a rien à faire, c'est le corps fait encore des choses. C'est comme de dire, t'es un animal humain, tu m'en vas encore, t'as encore le rhume. C'est glorieux, c'est pas de ma faute, j'ai le rhume. C'est, mon corps physique a attrapé la grippe. D'accord. Mais faites ça avec pour l'émotivité, faites ça avec pour un paquet d'autres choses. C'est pas plus intelligent d'avoir le rhume. Mais c'est pas de ta faute. Oui, mais c'est parce que je suis trop fatigué. C'est parce que tu te laisses manipuler. Puis tant que tu te laisses manipuler, c'est parce que tu peux pas faire autrement. C'est pas de ta faute non plus. Puis à l'instant où tu finis par conscientiser que c'est pas de ta faute, tu prends déjà un cran de plus de contrôle du corps physique. C'est mauditement mieux. Fait que c'est pas, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Ça va aller mieux. Croyez-vous que les maladies affectives dites bipolaires peuvent être contrôlées autrement que par des médicaments comme le lithium? Eh oui, mais c'est évident. La médecine d'aujourd'hui, je vais dire des choses intéressantes. La médecine d'aujourd'hui, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vous donne une maladie moins problématique que la maladie que vous avez. On appelle ça une guérison. Bon. Alors, c'est ça qu'on parle d'effets secondaires, là, mais en tout cas. Alors, c'était absolument évident que n'importe quelle maladie, psychose, névrose, les maladies dépressives, les maladies affectives, donc de ce genre de choses-là, on donne des médicaments. Qu'est-ce qu'ils font, les médicaments? C'est qu'ils empêchent le corps astral, l'âme, de pouvoir travailler le cerveau pour contrôler le système endocrinien au niveau de l'hypothalamus pour sécréter des conditions qui font que l'âme relie à l'intérieur sa dépression. En donnant certains antipsychotiques, ce qu'on fait, c'est que l'âme ne peut pas contrôler la mécanique. Elle n'arrive pas à travailler les neurones comme elle le ferait normalement. Fait que quand l'âme, il y a une partie qui s'exprime, il y a une partie qui lit. La partie qui lit, ne lisant pas la problématique, bien l'âme ne vit pas la problématique. Donc, il n'y a plus de problématique. Mais à l'instant où tu élimines certains antipsychotiques, certaines médications, bien là, l'âme se réessaye parce que la partie veut se nourrir. On devra donner des médicaments jusqu'à temps que la partie qui se nourrit d'une façon négative meure. N'est pas plus se nourrir dans le corps physique, puis qu'à un moment donné, ben, elle est morte. Donc, le temps fait que tout ça s'oublie. Sauf qu'en même temps, tu crées une partie qui a besoin du médicament pour se sentir sécurisée. Fait que ton médicament devient un problème en même temps, parce que quand tu autres médicaments, la personne repart d'une pathologie similaire. Mais c'est évident qu'on a... c'est ça. Quand l'individu finit par prendre suffisamment conscience que ce qu'il vit puis ce qu'il est, c'est deux, ça l'aide. Mais bien souvent, un individu qui vit certaines maladies n'est pas à un niveau vibratoire pour prendre conscience que justement, il y a autre chose. Fait qu'il se culpabilise, il se détruit. Mais c'est évident que les maladies affectives de type bipolaire ou même monopolaire, ça peut être contrôlé d'une façon totalement... Est-ce que ces maladies-là, puis j'inclus là-dedans l'alcoolisme, puis toutes les maladies qui pourraient omnibuler le niveau de conscience, sont pas justement là pour empêcher de prendre conscience? Mais oui, c'est évident. L'ego fait tout pour que vous ne deveniez pas le maître contrôleur chez vous. C'est absolument évident. Mais l'alcoolisme, c'est autre chose. C'est une maladie karmique sociale. Les alcooliques sont là uniquement pour récupérer la merde de la société pour permettre à d'autres individus d'avoir la paix. C'est plate, c'est con, c'est comme ça. Comme il y a énormément de pays pauvres sur la planète qui sont en pauvreté, puis ils resteront dedans uniquement pour nous permettre d'être dans la condition qu'on est. Puis ça, il n'y a rien à faire. La majorité des pays, l'Amérique du Nord est riche, regarde l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Bon, maintenant, va fouiller dans d'autres pays, c'est la même chose. Va-t'en, tu vas en Europe, plus tu descends vers le sud, plus c'est problématique. C'est pour ça qu'on les subventionne pour continuer d'être pauvres. Mais oui! Puis on les entretient au niveau des guerres, on les entretient, on paye des gouvernements, puis ben oui, c'est pas pour rien. L'humain ne comprend pas tout à fait la mécanique. Évidemment, la CIA comprend des mécaniques, mais n'en voit pas l'intelligence. Puis pourquoi on aurait à changer ça? Quand nous, on sera suffisamment fort pour ne pas être récupérable par les mécaniques de l'animal humain, là, on pourra aller intervenir dans ces pays-là pour changer les situations. Mais on ne peut pas arriver, par exemple, puis obliger Haïti à être diplomatique. à être démocratique plutôt. On ne peut pas. Pourquoi? Parce que c'est pas dans le peuple. Il faut que le peuple finisse par se casser la gueule suffisamment de fois pour qu'il finisse par faire confiance, lui aussi, comme on l'a fait, à de l'intelligence. Puis quand il va commencer à faire confiance de l'intelligence, donc à lui-même, mais pas à la tradition, pas à la mémoire, puis on ne peut pas rien changer, puis etc., quand il va commencer à faire confiance à son intelligence, bien là, nécessairement, il va commencer à l'amener chez lui. Mais si nous, on amène notre intelligence dans ces populations-là, qu'est-ce qu'on va les faire? On va faire comme les Russes en Afghanistan. On vient vous sauver. Puis les Afghanistan, les Afghans, ils disaient, oui, d'accord, mais de quoi? Puis ça, c'était évident. Il y avait un problème majeur dans le pays. Bien, tout le monde était courant à sa planète. Quelques Afghans, là, qui étaient en relation avec la planète. Mais les autres, ils, non. Puis quand les Russes sont arrivés là, on vient vous sauver. On n'a rien contre. C'est bienvenu. Mais de quoi vous venez nous sauver? Puis là, toutes les explications qu'on donnait au peuple afghan. Mais merde! Allez-vous-en, c'est vous autres le problème! Ça, c'est fréquent, chaque fois qu'une nation vient s'en mêler pour aider, le peuple, il proteste. Au Nicaragua, les Américains, ils ont donné un coup de pouce. Mais il y a encore beaucoup de Nicaraguayens, à Panama, même chose, sur les îles de Grenade, même chose. Venez nous aider, j'ai rien contre, mais partez vite. Sinon, on plus sûr, on a dû nous aider. Parce qu'on n'a pas vu de quoi vous avez dû nous aider. Suite au PMC Plus du 4 mars, je dors, je suis fatigué, j'ai peur du futur, etc. Que se passe-t-il avec l'ego qui ne veut plus rien faire? Bien évidemment, l'ego a touché des choses intéressantes. L'ego, pendant le PMC+, l'ego a découvert probablement, parce que le PMC+, on l'a fait sur les entités moronciennes, puis la fusion avec le double. Ce qui est arrivé, c'est que l'ego décode, on a parlé de négoïsation, on a parlé de transparence, on a parlé de désinhibition. Fait que l'ego décode simplement que prochainement, probablement, il va s'en aller là où il a toujours voulu aller. Mais l'ego, son rôle, c'est de cheminer. Ce n'est pas d'aboutir. Il n'y a rien de plus traumatisable, stressant pour un ego de s'imaginer qu'on arrive. Parce que là, il se dit, oui, mais une fois arrivé, je vais faire quoi? Puis j'ai énormément parlé des néotypes et l'importance d'apprendre à néotyper, de découvrir ce que c'est, puis d'utopiser dans le PMC+. Parce que sinon, l'ego, oui, mais je vais faire quoi? Tu vas innover. Ne cherche pas comment, quand tu vas arriver là, tu vas tout savoir. Et ça, l'ego n'est pas habitué. Lui, quand il arrive là, l'ego, là, il se fie à une tradition, il se fie à ce que d'autres ont fait, etc. Fait que là, il arrive à une place où aucun humain est arrivé jusque-là. Alors là, ben, c'est ça. Qu'est-ce que je vais faire rendu là? Fait qu'énergétiquement, l'ego bouge en masse. C'est ça. Ça va se finir par se stabiliser, sauf que ce que l'humain ne doit pas faire, très dangereux. C'est la mentalisation avec l'ego. Toujours passe son temps à dialoguer avec son ego. Parce que l'ego finit par aimer ça, fait qu'il ne vous libère pas. Il vous veut comme dialogue. Imaginez quelqu'un qui vient vous voir régulièrement pour vous têter. Il vous compte toujours les mêmes mots du problème. Ben oui, mais j'ai essayé, mais ça ne marche pas. Il n'a même pas essayé. Il vient avec vous têter. Ce que vous faites, vous le mettez dehors. Mais le mental, à un moment donné, quand il discute avec l'ego, c'est la même affaire. Oui, mais là, mon ego ne veut pas, là. Puis là, je veux, là, puis mon ego, il fait rien que bouger, là, puis si, puis c'est ça, puis là, on y va, puis on y va, là, voilà, bon. Là, t'es fait jusqu'à temps que tu te libères de ça. C'est-à-dire que tu passes à un autre niveau. C'est ça, il faut faire attention pour ça aussi. Fait que là, l'ego vit des choses. Qui les vivent, les choses? Tout ce qu'on a à faire, c'est de revoir si c'est intelligent ou non, c'est ce qui était dit ou ce qu'on vibre. Puis après ça, bien, à un moment donné, prends le corps physique, puis déplace-le, tu sais, bouge, va vers ce que tu dois faire en tant qu'intelligence. L'ego, il va toujours jouer les pattes un peu, mais ça, c'est normal. Surtout quand il pense qu'il arrive, il arrive aussi. Bien, à quoi il va servir après? Il va être mieux. Oui, mais je vais devenir un double éthérique, je pourrais plus sécréter, je pourrais plus crier, je pourrais pas gueuler, je pourrais pas... Mais oui, c'est évident, c'est comme quand vous étiez un enfant, vous êtes devenu un adulte. Bien, l'enfant est disparu, puis l'enfant n'a jamais souffert. Dans la disparition. L'ego ne souffrira pas non plus. L'ego, il ne comprend pas l'idée. Parce que c'est du nouveau, donc il n'y a rien. Les enfants sont libérés. Pour parvenir à s'inhiber, puis se désinhiber, a-t-il besoin d'un complice? Sinon, explique comment il va parvenir à cet état. Il a besoin d'un complexe, plutôt. Parce que... C'est évident qu'il a besoin de quelqu'un pour lui expliquer la beauté de la désinhibition. Je discute avec des personnes, à un moment donné, puis bon, ma fille, elle rentre, et puis elle vient carrément s'asseoir sur moi, puis là, elle commence à me parler. Tu sais, les autres, là, c'est comme si vous vous occupiez ensemble parce que je n'étais pas là. Maintenant que je suis là, là, tu sais, personne n'existe, elle vient me voir, puis là, bon. Ben, à un moment donné, il faut que tu la prennes, tu la mettes de côté, l'écoute bien, là. Tu sais, là, tu me déranges carrément. Fait que tu me plais pas, je te trouve laid, je ne veux même pas te voir. La libération en cause, en inhibition règle. Ce qui arrive, c'est que les égos, c'est des imbéciles, donc il faut faire attention. Pas l'individu, ma fille, non, mais les égos, oui, son égo aussi. Ce qui fait qu'une fois qu'on a fini la discussion, etc., quand je la ramasse après, je lui dis, tu sais que j'aime ça quand tu viens me voir, mais ça ne paraît pas. T'as le tour de dire ça. Il y a juste une chose, quand tu arrives puis tu me traites exactement comme si j'étais un tas de merde, ça, j'aime pas ça. Si tu serais arrivé, tu m'aurais regardé, je t'aurais regardé, comme on fait de temps en temps, on serait venu complice immédiatement, puis là, oui, tu aurais pu venir t'asseoir sur moi, puis ça n'aurait rien dérangé. Puis tu l'aurais su que ça n'aurait rien dérangé. Elle dit, c'est vrai, parce que quand je suis rentré, j'ai su que je dérangeais tout le monde, puis je me suis dit, bon, c'est pas grave. Mais je savais que ça allait pas, puis c'était pas grave. C'est ça, la manipulation. Elle le savait, mais l'ego disait, ouais, ouais, ouais, ouais. Ben là, elle était libérée. Puis après ça, on a parlé, puis aucun problème. On a du plaisir ensemble souvent. Sauf qu'on est d'accord tous les deux. C'est juste ça la nuance. Tu sais, quand tu rentres, par exemple, dans ma chambre, puis là, tout vitiroir, puis tu fouilles partout, c'est ça. À coup de pied en le cul, tu vas te ramasser dehors à un moment donné. C'est un viol d'espace vital. Bon, c'est la même chose. Tu es en train de t'amuser ou de parler avec quelqu'un, puis moi j'arrive, mettons, tu es à l'école ou tu es n'importe où, puis j'arrive, puis là je commence à allô, puis là je commence à jouer dans les cheveux, puis je la pince, puis c'est moyen donc. Tu sais, peut-être c'est plaisant des fois, mais là, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Tu brises tout. Bon, ben l'enfant, il faut lui expliquer aussi. Puis il y a plusieurs, la majorité des enfants sont capables de comprendre le principe. J'expliquais dernièrement à une personne, une des façons bon, l'exemple, je donne un exemple, là. C'est pas, OK, bon, faut pas appliquer ça nécessairement comme ça. Mais toi, tu es en train de parler avec ton garçon, puis lui, est souvent libéré. Mais là, vous êtes ensemble. Ta femme me rentre, elle te donne une claque en pleine face, parce qu'on va s'en dans la cuisine. Ça a le temps. Non, mais il faut que vous soyez d'accord, toi deux, là. OK. Là, l'enfant, là, il va être inhibé raide. Il ne comprendra vraiment pas le principe. Moi non plus. Si elle veut me l'expliquer, moi aussi, avant. Ta femme, elle vient après ça. Ta femme, elle vient après, puis elle a dit, il me semble que j'ai cassé quelque chose. Tu sais, eux autres ne donnent pas une claque, mais elle rentre, puis elle crie, puis elle gueule. Puis, tu sais, elle, parce qu'elle est là maintenant, tout ce que vous vivez, là, ça n'a plus d'importance. Là, maintenant, on va vivre à son rythme à elle, tu sais. Ce que les enfants font souvent, ils rentrent dans la cabane, là, ben là, l'atmosphère doit changer en fonction de l'enfant, là. Tout change. S'il décide qu'il crie, qu'il se promène, qu'il chiale, qu'il fait ci, qu'il fait ça, tu sais, tout. Il monopolise toutes les énergies de la cabane. Et il brise tout aussi. Bon, alors si on vibre bien avec l'enfant, puis là, mettons, ta femme ou toi, un des deux, rentre, puis brise toute l'atmosphère au complet, puis après ça, elle revient, il me semble, que si que ça, puis vous discutez, toi, tu discutes avec l'enfant. Elle n'est pas correct, là, ce qu'elle a fait, c'est ça. Puis après ça, la femme, elle revient, quand même, pour pas que l'enfant finisse par avoir quelque chose contre. Puis elle trouve qu'elle s'excuse pas, on s'excuse pas, on est manipulé. Mais elle trouve que c'était idiot, que c'était inécologique, que c'était stupide, c'est pas ça qu'il faut faire. Ben, là, l'enfant, il fait une nuance en Christie entre une libération et une désinhibition à un moment donné, puis rendu à un certain âge, on leur explique carrément, ils vont comprendre, tu payes mon espace vital. Essaie d'imaginer, tu dors, puis moi j'arrive, je me suis dans ton lit pour te parler. Un exemple, tu es presque en train de dormir. Je rentre dans la chambre, puis dors-tu, avec une voix particulière. Dors-tu? Ça, il marche. Mais regarde, t'arrives, tu fais juste rentrer, tu parles même pas. L'enfant bouge un peu. Donc, il y a déjà une contact qui semble vouloir s'établir. Là, tu vérifies. Tu es inhibé, autrement dit. L'enfant, tu ne le possèdes pas, c'est pas un objet. Je peux-tu rentrer de 30 secondes? Bon, l'enfant, il va dire, ça me dérange pas. Là, tu corriges. Je veux pas savoir si ça te dérange. Je veux savoir si ça te plaît ou si tu m'autorises à rentrer 30 secondes. OK, c'est pas pareil. Mais il sait qu'il est réveillé parce que quand je suis rentré, il a bougé un peu, donc je le sais déjà. Je vais rentrer. Quand je me sois, maintenant, je m'assois sur le bord de son lit, je m'assois délicatement. On peut parler un peu. L'autre scénario, t'es libéré. T'arrives, dors-tu? J'ai jamais besoin de parler 30 secondes. T'approches, t'écrases dans le lit, bang! Tu pars en direct. Là. Lui, là-dedans, là, c'est une libération. Mais l'enfant, il faut aussi qu'il apprenne ça, parce que c'est quelque chose, il y a des choses qui ne se font pas. Puis là, on va dire, oui, mais une fois qu'on est inhibé, on ne fait plus rien. L'intelligence, maintenant, va te permettre de faire de quoi? Mais tout ce que tu vas faire reste esthétique. C'est plaisant, c'est nourrissant énergétiquement. Toujours pour les deux parties. Les trois parties, les quatre parties. Mais dans Libération, il y a un têteux, puis il y a un tété. Si je suis consciente, je ne suis pas vivante. Si je suis vivante, je ne suis pas consciente. Donc, être vivante, c'est être sans mémoire, sans forme, et être consciente, c'est quoi? Dois-je être consciente d'être vivante? Si oui, est-ce que la conscience est l'ajusteur et où le savoir? Si oui, faut-il fusionner les deux pour être? Oui, non, peut-être oui. C'est comme l'annonce du petit gars là, qui dit citron, orange, chérie, citron, lait. Mais c'est parfait. Je suis conscient, je ne suis pas vivant. C'est parce qu'il y a deux formes de conscience. Il y a la conscience qui est mémorielle, puis il y a la conscience d'instantanéité. La personne qui dit « je pense, donc je suis », elle n'est pas vivante, elle est consciente. Bon. Puis quand on parle de conscience, c'est pas nécessairement être conscient de la problématique ou être conscient de l'évolution. Bon. Il y a des animaux humains qui sont conscients et qui font la guerre. Ils ne sont pas conscients qu'ils font la guerre. Tu sais, ils savent qu'ils font la guerre, mais ils ne savent pas qu'ils savent qu'ils font la guerre. Nous, on est rendu à un point où ce qu'on sait des choses. Donc, on est capable d'être conscient qu'il y a une conscience. Et ce qui arrive, c'est que chaque fois qu'on est conscient dans l'instantané qu'il y a une conscience, la mémoire de l'ego mémorise la conscience, puis là, on ne sait plus si on est conscient dans l'instantané ou si on est conscient dans la mémoire d'être conscient dans la mémoire. Ça fait comme compliqué. Mais ça, c'est de la subtilité. Puis le cerveau, à un moment donné, puis l'humain devient suffisamment rapide pour être capable de trancher dans la subtilité croûte après croûte. Puis à un moment donné, il s'arrête quelque part là-dedans. Mais c'est évident qu'un individu qui dit « Bon, ben là, je suis conscient. » Mais t'es mort, c'est mémoriel, tu viens de vérifier dans l'arrière, tu sais, c'est pas compliqué, t'es plus vivant. Puis l'individu qui est vivant, elle dit pas, ok, mais je suis vivant. Mais non, parce que là, je suis vivant, c'est la mémoire, avec le temps que tu le dis, t'es plus vivant. Donc, quand t'es vivante ou vivant, tu le sais pas. Sauf que tu ne le sais pas de l'ego. Tu ne sais pas du point de vue de l'ego. Mais tu le sais en maudit. Mais tout ton savoir ne sert pas à de la mémoire. Donc, je le sais, mais je ne le sais pas. Alors, la personne, elle est totalement consciente, mais elle ne peut pas se vautrer dans sa conscience. Elle ne peut pas mémoriser sa conscience, elle ne peut pas savoir qu'elle était consciente, ce n'est pas utile. Donc, elle est consciente, mais d'une conscience qui ne s'arrête pas. Tandis que la conscience de l'astral, une conscience de nostalgie. Être vivante, c'est être sans mémoire, ça va de soi, mais ça ne veut pas dire sans perception, nuance. Sans forme illusoire, sans forme astrale, c'est vrai, mais tu as toujours une perception. Bon, être conscient, c'est quoi? Il y a deux consciences, une conscience d'instantanéité qui ne demande rien. Je ne suis pas beau, je ne suis pas laid, je ne suis pas... Ça n'a rien à foutre! Bon, tu continues à courir. Tu es conscient dans l'instantanéité. T'as l'autre conscience qui, elle, a besoin de forme, besoin de mémoire, etc. Celle-là, non. Quand tu deviens vivant, cette conscience-là se meurt. Cette conscience-là meurt. Mais l'humain ne devient pas de l'air. Mais il y en a de l'air. Si oui, est-ce que la conscience est l'ajusteur? Non. L'ajusteur de pensée, c'est ce qui permet à l'humain d'avoir de l'information capable de venir par le biais de l'ajusteur de pensée dans le mental à instruire l'ego. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça permet à un ego de cesser de continuer à nous conserver dans l'illusion, dans l'obscurité. L'ajusteur de pensée ajuste la noirceur avec en donnant un peu de lumière. Ça reste toujours de l'illusion, mais... Oh, c'est le résultat planétaire d'un contact avec l'intelligence, donc d'un contact avec l'instantanéité, donc un contact avec la conscience réelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme moi, quand je réponds à des questions, je ne connais pas les réponses tant qu'on ne me pose pas la question. Je ne connais pas les réponses tant que je ne réponds pas à la question. Pourquoi? Parce que je n'ai pas besoin de savoir ces réponses-là. Je sais ce que j'ai besoin de savoir quand c'est nécessaire que je le sache. Donc, je ne sais pas plus que l'autre humanité, je ne sais pas plus que vous. Mais je me permets d'expliquer plus de choses. Mais avant, j'en sais pas plus, puis après, j'en sais pas plus, j'ai pas besoin. Par contre, je me perds pas. Parce que je sais une chose, quand c'est nécessaire que je la sache, c'est la bonne. C'est ça, je n'ai pas besoin de tout savoir. Bon. L'intelligence, c'est ce que... Puis tous les humains vont arriver là. C'est écologique, c'est intelligent, ça fait partie de l'évolution même de l'humain. Sauf que l'humain doit se libérer de sa mémoire, libérer des traditions, libérer de l'inconfiance qu'il a avec l'instantanéité. Oui, mais qui suis-je pour savoir ça? Mais Christy, égoïquement, t'es rien. Mais c'est pas ça qu'il faut que tu regardes. C'est quelque chose qui ne se voit pas. C'est toi. Et tu peux pas te voir. Si oui, faut-il fusionner les deux pour être? Non, pour être, il faut simplement être. Est-ce que l'enfant teflon est inhibé? La majorité des enfants teflon sont libérés, comme tous les enfants le sont. Puis un enfant teflon qui commence à s'ajuster, qui commence à devenir, à se servir de l'intelligence qui le rend teflon, va être nécessairement inhibé. Et par la suite, on a des enfants qui vont être désinhibés, donc ils sont inhibés. Mais là encore, il y a une nuance. Bon, tes garçons sont inhibés. Avec moi. Ils le sont aussi souvent avec toi. Sauf que, quand je les rencontre, on est inhibé, puis 5 secondes après, on est désinhibé. Ce qui fait qu'une personne peut dire, ben oui, mais ils ne sont pas inhibés. Mais c'est faux. Bon, tout à l'heure, je parlais aux plus jeunes. Ça nous a pris, tous les deux, peut-être un an à se désinhiber. Pourquoi? Parce qu'il a trop de valeur pour que je me libère. J'ai pas brisé le cristal. Puis lui, ben c'est la même chose. Il y avait quelque chose qui allait pas. C'est-à-dire que ça, il peut pas. Puis je connais de mes amis qui vont avec lui. Puis il te le charrit. Hein, oui, donc, c'est vraiment des locs humains qui sont là. Puis avec moi, il y a de la difficulté. Pourquoi? Parce que c'est ça. Et néotypalement, qu'est-ce qu'on a à communiquer? Rien. Il n'y a jamais de raison. Mais il y a aucune raison contre. Il y a même tout pour, mais il n'y a pas de raison. Pas de raison à dire. Puis progressivement, on est rendu qu'on peut jouer, qu'on peut se parler, on commence à avoir du plaisir, donc on se désinhibe. Mais c'est la même chose. Chaque fois qu'on va se rencontrer, ça, on part toujours au même niveau. Sauf que la nuance qu'il y a, c'est que ça m'a pris un an à en arriver là. Maintenant, quand on se rencontre, ça prend 5 secondes pour en être rendu là. Et là, puis ça, c'est toujours, ça sera toujours comme ça au niveau de la désinhibition. Puis l'avantage qu'il y a, c'est que jamais l'ego peut nous ramasser, parce que dès le départ, l'ego ne peut pas rien faire. L'intelligence descend, puis là, c'est ça qui fait qu'on communique. Donc, en 5 secondes, on disait qu'on est désinhibé. Mais de temps en temps, c'est la même chose. Lui va s'approcher de moi, puis il n'y aura pas de communication, il le sait, il s'en retourne. À un moment donné, moi, je m'approche de lui, je viens pour lui parler, puis ça ne va pas. Correct? Ça finit là. L'inhibition fait que je ne peux pas aller plus loin. Puis lui non plus. Et 5, 10, 15 minutes après, ou peut-être 2 jours après, on sait tous les deux que c'est con. Mais c'est comme ça. Puis après ça, on revient. Puis comme on n'a pas de mémoire du passé, on n'a pas besoin de parler, ça n'a rien à voir. C'est là qui est important. Pas hier, puis avant hier, puis c'est ça, on n'a rien à foutre. Alors effectivement, un enfant teflon, puis les tiens sont teflons, toi, c'est fatal. T'es fal. Alors plus que ça. Et ils sont inhibés. Ça a un avantage parce que ça nous permet de communiquer par l'intelligence. Mais la majorité des enfants sont libérés et la majorité des enfants teflons sont donc aussi libérés. C'est-à-dire qu'ils vont profiter de tout. Plus vous êtes faible, plus ils ramassent. Plus vous devenez respectable, plus ils doivent s'inhiber. Ils vous respectent. Parce que j'expliquais à un moment donné qu'être inhibé, ça fait planer un respect forcé. Mais ça, l'ego n'aime pas ça, le respect forcé. Il aimerait être libéré, pas de respect du tout. Mais non. Tu sais, la fille qui est libérée, ben, elle rentre dans la chambre à sa mère, puis elle prend son linge, puis elle prend ses bottes belles. Pas de problème, là. Une fille qui est inhibée, pourra pas faire ça. Puis elle va apprécier la valeur du linge de sa mère quand elle le porte. Puis elle va le ramener convenablement. Mais libérer. Donc je vais continuer la question. C'est-à-dire qu'il ne peut... Le début, c'était est-ce que l'enfant teflon est inhibé? C'est-à-dire qu'il ne peut changer parce qu'il se respecte. Alors, lorsqu'il est inajusté, il ne se respecte pas. Est-ce parce qu'il ne comprend pas? Est-ce parce qu'il se libère? Ou est-ce parce qu'il se désinhibe? Non. Dans la désinhibition, nécessairement, il y a du respect. Tandis que dans la libération, bon, je connais la personne. Et si je regarde les enfants, que je connais aussi, ils ont de grandes tendances à la libération. Mais en même temps, ils ont suffisamment d'intelligence pour s'inhiber. Bon, de ce fait, si je prends par exemple l'un des deux que je connais, le plus jeune, qui est un garçon, chaque fois que je le rencontre, il me tourne autour en libéré, puis il se fixe rapidement en inhibé. Puis il déteste pas ça. Parce qu'après ça, on commence à se rapprocher. Donc, suffisamment intelligent, il est beau, c'est parfait. Sauf que l'individu qui n'est pas suffisamment respectable, l'enfant, parce qu'il n'a pas suffisamment, justement, d'expérience au niveau d'ego pour supporter son intelligence, si quelqu'un n'est pas respectable, l'ego n'étant pas barré face à lui, ben, l'ego se libère automatiquement. Puis si l'ego veut se rapprocher, par exemple, d'une personne respectable, parce que quand l'ego s'essaye, la personne de cette plante-là, mais l'ego se tait, se taisant, elle autorise l'intelligence à venir faire la communication, puis l'ego se nourrit du peu qui vient, mais c'est mieux que rien du tout. C'est pour ça que l'inhibition va aider. Alors, par exemple, moi, quand je rencontre son garçon, s'il y a un moment de désharmonie habituelle, parce qu'il y a une libération, puis ça ne va pas, alors, après ça, il y a un moment de non-communication parce qu'il y a une inhibition. Puis, à un moment donné, ben là, tu sais, on se tourne l'un autour de l'autre, puis il y a une complicité qui s'installe dans le sens, c'est con. Fait que oui, c'est con. Mais on ne peut pas se libérer, là, c'est encore plus con, fait que c'est con. Fait que qu'est-ce qui est con? Il est con que tous les deux, on ne peut pas se parler. Ça devient con. Fait que là, sans raison, l'enfant a l'avantage, l'enfant ne cherche pas des raisons pour établir une communication. Bon, plus il vieillit, puis il va en trouver une, parce que adulte, ben, parlant, là, c'est traditionnel, avoir une raison, sinon... Tu sais, il parle à une fille sans raison, elle pense du coup, elle va chercher une raison. Mais un enfant, c'est pas nécessaire, puis lui, on n'est pas pris avec ça. Puis après ça, ben là, c'est une communication qui se fait, elle est désinhibée, pas totalement, elle est désinhibée, mais elle n'est pas libérée. Peux-tu m'expliquer ce que je vis? Je sais que c'est réel, j'espère que tu peux me vibrer. Ce qui est intéressant, c'est que les personnes mettent son prénom sur la feuille. Là, j'aurais vibré un peu plus. Mais si on peut juste répondre grosso modo comme ça, bon, avec le nom, ça l'aide. Tu as touché à la feuille, déjà là, ça, je peux t'expliquer ce que vous vivez. Tous les deux. Puis, il y a des choses, si je m'ajuste juste à la vibration même, il y a des choses que la personne va... Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer parce que les expliquants, elle ne le vivra plus de la même façon, puis elle a énormément avantage à vivre certaines choses parce que ça l'oblige à se chercher. En plus, elle sait que c'est réel, mais la problématique, c'est qu'elle ne sait pas que c'est réel. Elle pense que c'est... C'est que, non, elle le sait, puis elle ne le sait pas. Puis c'est intéressant parce que ça fait partie ça, des mécaniques où il y a de l'information par l'intelligence qui commence à descendre, puis elle est réfutée par l'ego. L'ego ne veut rien savoir. Puis finalement, tu le sais, mais tu fuis ton savoir. Tu le sais, puis tu ne le sais pas. Puis tu le sais, puis tu n'es pas sûr de savoir, puis etc. Alors, mais la prochaine fois qu'elle mette son prénom sur la feuille, ça va aider. Je m'ennuie de choses qui devraient être plus évidentes, une sorte de trois petits points. Que faire? Où est cette trace? Bon, je vais vous expliquer une chose. Au mois d'avril, on va parler beaucoup plus de ce genre de mécanique, un petit peu flyé, mais intéressant. Où est cette race, etc. Je dis que les êtres humains peuvent réincarner des mémoires de l'avenir autant que des mémoires du passé. Puis plus l'être humain devient évolué, plus il réincarne des mémoires de l'avenir. Ce qui fait que réincarnant des mémoires de l'avenir, il se transpose dans un monde qui n'est pas là. Et ça crée une problématique chez plusieurs personnes suffisamment sensibles, donc suffisamment évoluées pour commencer à réincarner les mémoires de l'avenir, c'est qu'ils ne sont pas sur la bonne planète, ils ne sont pas dans le bon temps, ils ne sont pas que la bonne race. Sauf qu'en même temps, ils ne sont pas suffisamment beaux. Eux non plus ne sont pas dans la bonne race. Dans la race qui aimerait. Autrement dit, on a une race pure, disons, et puis tu réincarnes des messages de cette race pure-là, puis quand tu regardes l'autre race, tu cries, mais je ne suis pas dans la bonne race. Non, c'est vrai. Mais eux, ils ne veulent pas non plus. Tu n'es pas encore assez pur. Alors, c'est bien fait. On va revenir en avril sur les mécaniques. Mais c'est bien fait, pourquoi? Parce que ça oblige l'individu à être confronté à certaines choses. Pourquoi elle n'est pas suffisamment pure? C'est que déjà là, par exemple, elle va juger autrui, les autres. Elle ne comprend pas la mécanique. Il y a encore trop d'égo chez elle. Mais elle est suffisamment pure pour être capable d'aller chercher des trucs. Mais on va revenir, de toute façon, au niveau d'avril. Alors, c'est pour ça qu'elle s'ennuie de quoi? Puis ça, j'expliquais ça à une personne, à un séminariste, à un moment donné, c'est que tu nostalgises. C'est nouveau, ça, dans l'histoire de l'humanité. Quand on nostalgise, là, on se rappelle des choses, puis on nostalgise sur des mémoires du passé, c'est les bons vieux temps. Mais là, la personne, elle commence à nostalgiser sur l'avenir, elle nostalgie sur des choses de l'avenir. Là, elle regrette de ne plus vivre ce qui va se vivre. Et non pas de ne pas vivre, de ne plus vivre ce qui s'est vécu. Elle, donc, c'est la nostalgie de l'avenir. Et ça va aller. Alors, c'est surtout au mois d'avril, on va prendre, parce qu'il y a des conférences qui vont être uniquement basées là-dessus, ce qui fait qu'on va prendre beaucoup de temps. Le non-libre arbitre va-t-il jusqu'au point où je n'ai qu'à accomplir, c'est-à-dire que si j'ai à vivre avec ou non avec une personne, quoi que je fasse ou non, je vivrai avec cette personne-là, ou si, avec cette personne-là, ou si je veux faire quelque chose pour aider. Si vous faites quelque chose pour aider, c'est que vous avez du libre-arbitre. Si vous pensez que vous en avez, vous pouvez essayer. Vous allez finir de toute façon, à un moment donné, par aboutir avec la compréhension que l'humain n'a pas de libre-arbitre. Mais il y a une liberté dans la conscience. Mais l'ego n'a pas de libre-arbitre. Puis comme c'est l'ego qui domine tout présentement, bien, l'humain n'a pas de libre-arbitre. Pourquoi? Bon, on veut rester avec vivre avec une personne. Bien, c'est nécessairement, c'est égoïque, c'est astral, c'est psychologique. Non, j'ai une relation énergétique avec, impeccable, mais tu n'as pas besoin de l'avoir avec toi régulièrement. Tu sais, laisse-la libre. Donc, tu n'as même pas besoin de chercher l'accouplement. Je ne parle pas d'un sexuel, je parle de vivre. Il y a de l'intelligence à vivre ensemble en couple, mais ça va se faire seul. On va flûter. Ça fait 15 ans qu'on est ensemble, je pense qu'on est ensemble. Ouais. On ne l'a pas cherché. Alors, le non-libre-arbitre va-t-il jusqu'au point où je n'ai qu'à accomplir, hein? Le non-libre-arbitre est total. L'humain n'a pas de libre-arbitre. Bon, même s'il continue de penser, il manipule de penser, c'est tout. C'est-à-dire que si j'ai à vivre avec ou non avec une personne, quoi que je fasse ou que je ne fasse pas, je vivrai avec cette personne, c'est évident. Quand on dit faire des efforts, c'est rien que pour mériter. Puis c'est encore bien pire, parce que maintenant vous restez avec elle, vous ne vivez pas avec elle. Il y a une nuance entre habiter avec une personne et vivre avec une personne. Tu sais, c'est sûr que quand tu dis ben, le mot vivre, c'est uniquement être présent là, ben, oh, d'accord, vous allez vivre avec elle. À vous engueuler, à vous détester, à vous haïr, à regretter, à être pogné, en tout cas, on peut, je n'appelle pas ça vivre. C'est évident que la personne, si elle a à rester avec, elle va rester avec. Si elle a à vivre avec, elle va vivre avec. Il n'y a aucun problème là. C'est ça qui est le problème avec l'humain, c'est qu'il fait confiance tellement à sa faculté de changer les choses alors que toute sa vie, il découvre qu'il ne peut pas rien changer. Puis il passe son temps à se culpabiliser, puis etc. Mais ce n'est pas lui qui contrôle le phénomène pour l'instant. La mécanique, elle est collective, elle est archétypée, puis elle est sous le contrôle de forces qui sont soit astrales, soit extra, soit intraterrestres, astrales aussi, sont collectives, sont réincarnationnelles. Et il y a un peu d'intelligence. S'il n'y a plus d'émotion et de passion lors d'une relation sexuelle, comment cela se vit-il dorénavant dans la relation sexuelle? Ça, c'est une question posée par un ego. Ce n'est pas grave, mais je dis. Qu'est-ce que tu as à foutre de manger du chocolat quand tu ne trouves plus le goût? Bon, quand tu n'aimes plus ça. Moi, mais ça va être quoi, là, quand j'en mangerai du chocolat? T'en mangeras plus. C'est réglé. Hein, c'est aucun problème. Alors, s'il n'y a plus d'émotion, de passion lors de nos relations sexuelles, comment cela se vivra-t-il dorénavant? Il n'y aura pas de relations sexuelles dorénavant? Ça va être plate. Ah non, c'est parce que vous aimez ça encore. Eh bien, non, voilà. Mais quand vous aimerez plus ça, vous dites que vous irez pas, ça va être plate. Tu sais, c'est plus plate, t'aimes plus ça. Par contre, il va y avoir des relations énergétiques. Qui, et ça, je le répète encore, la plus basse expression de la communication énergétique entre des êtres humains, c'est la relation sexuelle corps à corps. La plus haute relation énergétique entre des animaux humains, c'est la relation sexuelle, corps à corps. Mais quand l'humain arrive à un niveau, là, où il commence à passer en haut, ben nécessairement, il y a des choses qui perdent de la saveur en bas. Puis l'ego, qui lui est traditionnel, qui est répétitif, ben là, il aimerait se nourrir, là, un instant, on n'est pas pour arrêter ça comme ça, là, ça n'a pas d'allure. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, à un moment donné, oui, la relation sexuelle devrait être permise uniquement pour avoir des enfants. Quand tu regardes certaines sectes, ben, ils ont 15-20 enfants. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas capables, ils vivent la relation sexuelle uniquement pour avoir des plaisirs. Puis comme ils sont inhibés, ben, la raison mentale va être d'avoir des enfants, ben, ils n'ont plein. Mais là, ce n'est pas écologique du tout. C'est ça n'a aucun sens. C'est mieux d'avoir une relation sexuelle sans avoir d'enfants. Donne-toi pas des raisons comme ça. Mais à un moment donné, l'humain n'en aura pas besoin autant. Puis finalement, l'humain va aller chercher une communication énergétique qui ne sera pas endocrinienne, qui ne sera pas hormonale. Dans la relation sexuelle, il y a un échange énergétique, mais l'ego se rappelle uniquement d'échange hormonal. C'est rien que ça que l'ego recherche. Les relations sexuelles sont rarement très longues, puis rarement très préparées. C'est-à-dire que la communication énergétique, là, c'est pas long que ça fait vibrer des chakras, puis les chakras, ils réveillent des systèmes endocriniens, puis c'est pas long qu'à un moment donné, l'ego se plante dessus. Alors, comment ça va se vivre? Ça va se vivre d'une façon néotypale, c'est pas explicable à un ego. Mais, expliquer une relation, les plaisirs de la jouissance sexuelle à un enfant de 5 ans. Et franchement, il ne comprendra pas grand-chose. Il ne voit vraiment même pas pourquoi vous avez une attraction avec le sexe que les humains appellent opposé, hein, parce qu'ils se battent encore d'eux autres. Il n'y a rien à faire. Quand le corps physique va être préparé à ça, expliquez-lui pas, laissez-le faire. Alors, ouais, vas-tu comprendre? Au niveau de la relation énergétique, c'est la même chose. Tant que l'ego essaie de comprendre à partir de ce qu'il a endocrinalement comme vision, ça n'a pas tellement de saveur ce qu'il y a en haut. Il va y avoir des nouveaux films pornographiques, ça va être juste des cassettes audio. Non, ça va être des films porno-zotes, documentaires, de festivités, Pour avoir une communication énergiopathique, faut-il absolument que les deux personnes soient en contact visuel ou cela peut-il se faire aussi par contact vitalique, c'est-à-dire que l'on sent ou que l'on sait que la personne est là, mais en même temps qu'elle n'est pas là? La différence entre une communication astrale et une communication énergiopathique vitalique résiderait-elle dans l'intelligence des propos? Télépathique. Sympathie. Une sympathie, c'est une communication qu'on a entre des individus. Une télépathie, c'est une communication qu'on a à distance, sans le mode conventionnel. On peut être télépathe, assis l'un côté de l'autre, mais je n'ai pas pris ma parole. On ne s'est peut-être même pas regardé, mais on peut se regarder aussi, télépathique. L'énergiopathie, c'est un terme que j'ai inventé, qui définit une communication sur tous les plans de l'énergie entre deux individus. C'est une complicité parfaite du point de vue énergétique. Ça veut dire que les deux individus sont en communion, mais sur tous les plans. Donc, il n'y a même pas de communication dans le sens échange, c'est-à-dire qu'en même temps, on sait la même chose. Bon, c'est une communication, une énergiopathie, non pas une télépathie. Bon, c'est même pas une sympathie, c'est donc beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Est-ce que les deux personnes doivent être proches? Une chose certaine, c'est que les deux personnes doivent être complices pour être énergiopathes, pour vivre une communication énergiopathique. Donc, on ne peut pas faire de l'énergiopathie. Énergiopathie, c'est un mot que je viens d'inventer maintenant, en parallèle avec téléphatie, mot que j'ai inventé quand j'ai fait une faute d'orthographe quand j'étais jeune. Bon, j'ai mis le H à mauvaise place. BH fait fa. Téléphatie. Par la suite, je me suis rendu compte que le mot était intéressant quand même, parce qu'une téléphatie, c'est lorsque je lis dans la pensée de quelqu'un sans que lui le sache. Puis une télépathie, c'est une communication bilatérale entre deux individus. Télépathie, téléphatie. Une téléphatie, je prie la pensée d'autrui, télépathie, on communique ensemble. L'énergiopathie n'existe pas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être en énergiopathie, en communion énergétique à l'insu d'un autre. Je ne peux pas, par exemple, penser à quelqu'un, puis être bien avec la personne, puis etc. Je suis en communication astrale, je suis en fabulation, mais je ne suis pas en énergiopathie, l'autre n'a rien à voir. Donc, il doit absolument y avoir une complicité, un établissement de communication. Elle peut se faire télépathiquement. Donc, l'autre n'a pas besoin d'être là. Mais l'énergiopathie va se faire uniquement dans un commun accord fusionnel entre les énergies des individus. Il y aura énergiopathie. La cause principale de la grippe est la fatigue. Point d'interrogation. Oui. La cause principale, médicament, biologiquement parlant, c'est les virus. Ça n'attaque que les individus qui sont fatigués. C'est évident qu'une personne qui n'a pas de système de défense, d'anticorps bâti là-dessus, prend ta grippe, va dans un pays, dans une tribu qui n'ont jamais connu la grippe, t'es-tu toute. Sauf que ce qu'il faut comprendre, dans notre cas, nous autres, c'est qu'on a tellement tout ce qu'il faut pour s'en défendre, puis effectivement, on s'en rend compte, à part des personnes qui ont des problèmes d'immunodéficience, ça peut être acquis, ça peut ne pas être acquis, ça peut être congénital. Et des personnes qui ne mémorisent pas les anticorps contre la grippe, ils auront des problèmes. Mais une personne, les vieillards sont beaucoup plus fragiles à la grippe, mais sont fatigués physiquement. Le corps est fatigué. Les personnes stressées ont la grippe facilement. Les personnes qui travaillent tôt ont la grippe facilement. Les personnes qui ne dorment pas ont la grippe facilement. Les personnes qui s'alimentent mal ont la grippe facilement. Alors que les autres individus ne l'ont pas. Alors effectivement, la grosse cause social, aujourd'hui, pour nous, pour nos corps physiques, de la grippe, c'est la fatigue. Quel processus peut expliquer le fait que deux personnes ne se connaissant pas aient des caractéristiques si analogues l'une par rapport à l'autre? Par exemple, être né dans le même quartier demeure pratiquement... Un petit peu, là. OK. De mère pratiquant, je t'ai pas dit pratiquement la même mère, mais là, c'est pas ça. De mère pratiquant le même métier, alors, pour l'époque, avoir un problème de vision presque identique, avoir fait en même temps des séminaires et des cours, avoir été blessé dans des circonstances analogues à 5 minutes d'intervalle, avoir une date de naissance d'une journée de différence, quoique pas la même année. Pourtant, nos caractères sont différents. C'est une défonceuse, je ne le suis pas. Elle a la parole facile, ce que je n'ai pas encore. À la voleuse, tu te prises qu'elle aurait pu avoir, elle? C'est pour ça qu'ils sont venus au monde en même temps. Une qui l'a, l'autre qui l'a pas. Sur le plan planétaire, tout est rythmé, tout est cyclique, sans exception. Ce qui arrive de temps en temps, c'est que les cycles sont très proches les uns des autres. C'est-à-dire qu'il y a sur la planète Terre des êtres humains qui ont la même face que vous. Vous avez au moins une copie conforme quelque part sur la planète. Mais on l'a, à un moment donné, dans d'autres phénomènes. Il y a des êtres humains qui vont naître exactement aux mêmes dates, qui auront deux pères alcooliques, qui auront deux mères qui seront secrétaires, ils vont avoir leurs mêmes accidents. Le plus intéressant là-dedans, c'est qu'il y a des bonhommes, entre autres, puis ça c'est fréquent, ça arrive de temps en temps, où les deux portent le même prénom, se marient la même journée, avec deux femmes pareilles, qui portent le même prénom, ils auront trois enfants, ils seront les trois bâtis de la même façon, et ils vivent à deux places différentes du même pays, les États-Unis entre autres. Et on a des répertoires comme ça, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, vous recevez une convocation, par exemple, vous recevez un état de compte particulier, là, immense, là, des téléphones, des cités, ça, il y a l'impôt qui vous saute dessus. Normalement, c'est à cause de l'impôt. Parce que vous avez le même nom et la même date de naissance avec les mêmes pédigrés, ce qui fait qu'on vous a attribué un numéro d'assurance sociale aux deux. Finalement, l'ordinateur finit par décider qu'il y a une problématique, il y a un individu. Bon. Et là, ce que je dis, ça a déjà été même publié dans des journaux, parce qu'il y a des personnages qui ont découvert des problèmes dans le genre. Tout était tellement pareil, y compris le nom et les parents, etc., que finalement, il y a une poisse qui leur tombe sur la tête. Cette poisse-là, ils ont vécu des choses dans le genre, mais là, ça comprend tout ce que l'autre aurait, puis ça s'en vient là-dessus, ça double. Et là, après des enquêtes et des recherches, on découvre que ce n'est pas la bonne personne. Et puis là, finalement, on explique aux gars, oui, mais c'est parce que leur père et leur mère portent le même nom, vous êtes nés à la même date, etc. Vous avez 3 enfants, vous êtes mariés à la même date, avec une femme porte le même nom aussi, ce qui fait que finalement, ben là, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on a des mécaniques cycliques, des mécaniques qui sont collectives, et surtout, il y a énormément, bon, ce que j'allais dire au début, c'est que la personne, ils vivent, le milieu va faire qu'ils vont devenir deux êtres plus ou moins différents, mais fondamentalement parlant, ils proviennent des mêmes mémoires réincarnationnelles fusionnelles. Donc, les deux individus différents sont en réalité la même personne, qui vont se différencier à travers l'expérience de la vie. Les parents sont les réincarnations des mêmes mécaniques fusionnelles réincarnationnelles, donc les parents sont les mêmes parents, c'est-à-dire qu'ils ont réincarné dans la mémoire de l'astral les entités qui sont similaires. Les génétiques étant suffisamment similaires pour autoriser la réincarnation de choses similaires, on a une chronologie qui va se faire similaire aussi. Les individus ont donc un plan de vie qui est très proche l'un de l'autre. Maintenant, ce qui va arriver, c'est qu'il y a toujours des nuances génétiques, des caractères récessifs qui peuvent apparaître. Chez elles, il peut y avoir une dominance différente de l'autre. Et là, puis il y a le milieu, puis là, nécessairement, les vies vont commencer à changer. Ben, là, ça va changer. Sinon, elles auraient pu vivre exactement les mêmes choses, sans problème, comme ça arrive fréquemment. Puis ça aurait pu être les enfants ou les enfants des enfants qui auraient commencé à se séparer. Pourquoi cette semaine, j'ai constamment oublié des choses qui étaient même importantes au niveau de mon travail? Ce processus va-t-il continuer longtemps? Bien, longtemps, ça dépend. Si vous ne vous rappelez pas quand ça a commencé, vous pouvez vous savoir que ça a été longtemps. C'est vrai. Donc, ça dépend. Puis longtemps, ça dépend de l'ego. 2 mois, est-ce que c'est long? 2 ans, est-ce que c'est long? 20 ans, est-ce que c'est long? 200 ans, est-ce que c'est long? Non. 200 ans, c'est long, hein? 20 ans, c'est plus long. Bon, ben, peut-être 20 ans, c'est pas long. N'importe quelle personne qui vit sur le plan planétaire voit des neurones mourir et il y a des périphériques axoniques, c'est-à-dire qu'il y a des contacts au niveau des connexions de neurones qui doivent se refaire. Ça prend un laps de temps, ça dépend de notre alimentation, ça dépend de notre énergie, ça dépend de notre vie. Quand une personne commence aussi à se conscientiser, on peut dire un peu trop, mais c'est pas un peu trop en réalité, convenablement, ça dépend des points de vue. Le point de vue de l'ego, c'est un peu trop. Ce qui arrive, c'est que le cerveau commence aussi à muter. Puis quand on parle de mutation, c'est pas que la matière grise devient verte. Ça, c'est ceux qui mangent mal, ça fait ça. Ou qui se mouchent pas cassé. Mais ce qui arrive simplement, c'est que les neurones, les contacts qu'il y a normalement, le cerveau devient plus rationnel. Alors, il y a des brisures. Et on reforme la structure du cerveau, elle se reforme lentement, progressivement. Et les canaux qu'on suivait avant pour aller se rappeler des choses, étant changés, on ne s'en rappelle plus. Et quand on a quelque chose au bout de la langue, c'est uniquement parce qu'il y a quelques neurones qui sont morts, pas nécessairement en termes de processus de mutation, mais c'est fréquent au niveau de la vie. Puis là, on l'a, on n'aboutit pas. Si tu cesses de chercher, tu cesses de solliciter ces neurones-là, puis là, progressivement, il y a un périphérique qui va se faire, on va contourner le neurone qui est mort, puis on va le recréer. Puis là, à un moment donné, ça revient quand justement, tu ne le cherches plus. Bon, mais au niveau de la perte de mémoire, c'est un symptôme comme problématique au niveau de l'humain, mais ça ne dure pas normalement longtemps. Ça apparaît sur d'autres choses. À un moment donné, vous sortez de la brasserie, puis vous ne vous rappelez plus où si vous restez. De la brasserie, c'est explicable, disons. Vous sortez de la conférence, puis vous ne vous rappelez plus où si vous restez. C'est con. Ça dure pas trop longtemps. 20 ans. Puis après ça, ben là, c'est pas pire, ça rappelle. Tu sais, tu... Après les conférences au PMC, j'ai toujours le goût de manger, même tout le temps. Il m'oblige, comme tu dis, avec ça. J'ai 30 livres en trop et je ne peux me contrôler. Comment y arriver? Avant, j'avais un problème à prendre un régime. Je suis si malheureuse. De quoi ça donne? Qu'est-ce que ça donne de se conscientiser pour arriver là? Après un PMC, faut-il prendre un certain temps pour se rendre à la maison, pour ne pas regretter? Combien de temps? Bon. Ce qui est très important encore, c'est qu'on pose souvent des questions. Tu sais, à quoi ça sert le soleil si c'est pour en arriver à nous faire une brûlure sur la peau? C'est un coup de soleil. Mais non, ça n'a rien à voir. On mélange deux choses. À quoi ça sert la conscientisation? C'est pour engraisser. Il y a plein qui ne se conscientisent pas qu'ils engraissent. On engraisse parce qu'on mange trop, pas parce qu'on, pas parce qu'on se conscientise. Bon, en fait, engraisser, on est passé. Bon, il y en a qui maigrissent. Mais ce qu'il faut comprendre simplement, c'est que, et ça dans le séminaire, je l'explique aux personnes, parce qu'après le séminaire, il y a des phénomènes du genre. Quand il y a trop d'énergie, l'individu essaie de canaliser son énergie quelque part. Et il y a des personnes qui boivent, des personnes qui fument, des personnes qui mangent. Prendre une douche, ça va énormément aider. Discuter avec quelqu'un pour progressivement se laisser s'en aller, ça va aider. Alors, on contrôle comment tu as extrêmement faim, tu bois un peu d'eau, tu prends une salade, on va au restaurant après. Et puis, tu prends une salade, tu jases avec les personnes, puis lentement, les choses s'atténuent, puis l'énergie finit par être digérée par le corps. Tu n'auras pas besoin de manger pour que l'énergie vienne être absorbée par l'aliment, pour après ça, passer par le processus digestif normal, puis là, tu perds un peu d'énergie, de l'énergie que tu avais en trop, au lieu de l'accumuler. Or, la conscientisation ne mène pas à engraisser. Simplement, ce qui est une mécanique, il y a des personnes qui partent après les conférences puis se dépriment vite. Différence de potentiel, en réalité, ils ne sont pas déprimés. Ils partent jusqu'où ils sont, énergétiquement, mais ce n'est pas endocrinien, donc on ne le sent pas. Tu ne tripes pas tout le long. Énergétiquement, ils montent. Après ça, énergétiquement, l'entraînement descend. Mais là, l'ego voit la différence de potentiel, puis là, l'ego panique. Bon, il y a des personnes qui vont manger. Il y a énormément d'énergie, puis ça, ce qui arrive, c'est que l'ego travaille énormément pour résister à cette énergie-là. Il peut puiser énormément dans le corps vital, ce qui donne faim. Mais ça donne aussi l'impression de faim. Mais là, tu manges trop. Sachez une chose, c'est que les corps physiques du contexte occidental, moins du contexte du côté soviétique des blocs de l'Est, parce que les autres n'ont pas assez d'aliments pour ça, mais vous autres, entre autres, la majorité des gens, à force de manger uniquement à des heures régulières, que tu aies faim ou que tu n'aies pas faim, à force de manger uniquement pour plaire à l'ego, ce qui arrive, c'est que le cerveau détecte que votre corps a faim de 20 à 40 minutes avant qu'il ait faim. Et il détecte que c'est plein de 20 à 40 minutes après que ce soit plein. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui mangent, après ça, quand ils viennent pour se lever, « Oh, j'ai encore trop mangé. » Mais tu ne le sais pas encore. Là, tu t'en rends compte parce que là, c'est de la misère à bouger. Mais tant que tu restes assis, tu manges, puis tu manges, puis tu manges, puis tu manges, puis le cerveau ne le sait pas encore que c'est plein. Alors, l'humain doit fonctionner écologiquement. Tu sais, tu regardes ton assiette, là, ridicule. Je coupe ça, ça, je ne le veux pas, je ne le prends pas. Mais c'est du gaspillage. Mais franchement, tu sais, l'ingurgiter, puis l'envoyer aux toilettes après, puis avoir usé le corps en attendant, ça va même place. T'es mieux de passer directement là. Tu coupes, tu manges, ce qui, écologiquement, vous savez ce qu'il faut. C'est pénible, c'est difficile. Oui, vous savez que vous êtes manipulé. Bon, ben, j'ai au moins intelligent, c'est gars, comment c'est con, là, j'apprends encore trop. Oh, dès que c'est con, dès que c'est con. Oui, ce qui est con, c'est pas vous, c'est l'événement, c'est la situation. Ça l'aide ça l'aide. Et la majorité de l'énergie que vous avez va finalement finir par faire en sorte que vous ne mangerez plus ça. Sans souffrir, c'est trop con. Mais pas je suis con et que je suis faible, non, et que c'est con. Parce que c'est con. La conscientisation n'amène pas à engraisser, elle amène au-delà de ça. De dire manipuler le manipulateur, ça sonne un peu le bras-bite. N'est-ce pas le manipulateur qui nous manipule à le manipuler, comme le rat de laboratoire manipule le savant à lui donner du fromage, mais que lui manipulera à lui demander du fromage? Oui. Qui manipule finalement? C'est ça. Sauf que ce qu'on doit bien comprendre, c'est que le savant qui regarde le rat et qui dit « Il est très intelligent, je l'ai habitué », chaque fois qu'il veut un fromage, ben, il pèse sur la palette. Puis le rat qui dit à son chum « Je l'ai habitué, lui, quand je veux du fromage, je pèse la palette. » Les deux sont totalement manipulés. Effectivement, le rat manipule le manipulateur, mais sauf que ça dépend du niveau de votre conscience. Lui, dans son ego, il est convaincu qu'il est le maître et qu'il manipule le rat. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il passe des journées à regarder le rat et donner du fromage quand le rat en a besoin. Manipuler le manipulateur, c'est ça. C'est de implanter des mécaniques qui vont faire en sorte que quand il va nous manipuler, lui, ça va aller dans le sens où on veut aller par l'intelligence. Donc, on l'a eu. Mais on reste manipulé, mais on l'a eu pareil. quand l'Europe et le savant vont jouer une partie d'échecs au lieu de manger du fromage, là, ils vont manipuler le manipulateur. Bah, encore là. Dernière question, vas-y. Qu'est-ce que l'affection? Un désir, un besoin au niveau de l'émotion, un besoin au niveau de l'énergie? L'affection, ça désigne plusieurs choses. L'affection pure et intelligente, mais ça, on revient encore un peu la semaine prochaine sur la pureté des choses. L'affection pure et intelligente, c'est pas une affection qui se transforme en émotion. Ça veut dire que je me plais de vos énergies. J'ai donc de l'affection. Si je me garde de vos énergies, ce sera de l'affection conventionnelle, où ce que là, je devrais aller vous toucher, vous têter, vous parler. Oui, mais j'ai de l'affection pour un tel. C'est plus ça.